Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 145. De l'honnêteté. Rapport de l'honnêteté avec la vertu, avec le beau, avec l'utile et l'agréable. Que, l'honnêteté est une partie de la tempérance. 1. L'honnête est-il identique avec la vertu? Si Cicéron donne à l'honnête les mêmes divisions qu'à la vertu, il le partage en quatre vertus principales. L'honnête ou l'honnêteté tend, en effet, au même but que la vertu et s'identifie avec elle. L'honnêteté, selon saint Isidore, signifie un état honorable. L'honnête est donc ce qui est digne d'honneur. Or l'excellence d'un homme, à laquelle l'honneur est dû, vient surtout de la vertu. Unis par de tels rapports, l'honnêteté et la vertu sont en réalité identiques. 2. L'honnêteté est-il identique avec le beau? La clarté est de juste proportion, voilà le beau. On dit que Dieu est beau, parce qu'il est la cause de l'harmonie des choses et de la clarté du monde. La beauté du corps humain consiste dans la juste proportion de ses membres et dans l'éclat qui lui convient. La beauté spirituelle, dans la conduite des hommes, résulte d'une heureuse harmonie de leurs actions accomplies à la clarté de la raison. Or tel est l'honnête, qui, comme nous l'avons dit, se confond avec la vertu. Faisant présider la raison à toutes les choses humaines, il n'est pas autre chose que le bien ou le beau spirituel. Écoutons saint Augustin, j'appelle honnêteté la beauté spirituelle. Beaucoup de beautés visibles sont appelées honnêtes, dans une acception moins propre. Note. L'honnête se fait désirer par sa beauté spirituelle. S'il vous était donné, disait Cicéron, de voir la forme m'aimer, pour ainsi parler, la face de l'honnête dont vous n'avez présentement que l'idée, il exciterait en vous, selon le mot de Platon, d'ineffables amours pour la sagesse. Fin de la note. 3. L'honnête diffère-t-il de l'utile et de l'agréable? L'honnête est en même temps utile et agréable, utile, par ses rapports avec le bonheur, agréable, par sa conformité à la raison. Il est donc le même sujet que l'utile et l'agréable. Quoi qu'il en soit, l'honnête, l'utile et l'agréable diffèrent dans notre esprit. L'honnête indique une excellence digne d'honneur par sa beauté spirituelle, l'agréable satisfait les désirs, l'utile se rapporte à un but. Tout ce qui est utile et honnête est agréable, mais ce qui est agréable ou utile n'est pas toujours honnête. Une chose peut plaire au sens et non à la raison, elle peut aussi être utile à un but particulier, sans être honnête. 4. L'honnêteté fait-elle partie de la tempérance? Nous l'avons reconnu, l'honnête ou l'honnêteté est le beau spirituel, qui a pour contraire la laideur. S'il est vrai que les contraires se manifestent mutuellement, l'honnêteté doit repousser ce qu'il y a dans l'homme de moins convenable et de plus honteux, les jouissances de la brute. Elle appartient, sous ce rapport, à la tempérance, dont l'objet est de modérer toutes les concupiscences dépravées, elle en est une partie intégrante, une sorte de condition. Note. L'honnêteté appartient aussi à la justice et à la force, puisqu'on appelle honnête ce qui est digne d'honneur, mais elle revient surtout à la tempérance, qui réprime les vices les plus honteux. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.